الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. On s'est arrêté sur Al-Mawazin, sur les balances, sur la balance qui sera posée le jour du jugement dernier. Et les savants divergent en trois paroles. Est-ce que ce sont les gens qui seront pesés? Est-ce que ce seront la personne, donc elle-même, qui sera pesée? Deuxième parole, est-ce que ce sont les actions qui seront pesées ou les feuillets qui seront pesés? Et le plus simple est de dire que la base, c'est que ce sont les feuillets qui sont pesés, mais certaines personnes seront pesées et certaines actions également. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre les gens dans un noir total. Et c'est ce qui est voulu dans Sourate Al-Hadid. C'est ce qui est voulu dans Sourate Al-Hadid. Et les croyants, et avant cela Allah subhanahu wa ta'ala va mettre Al-Jisr ala matni jahannam as-sirat. Et dans le hadith de Thauban, dans le recueil de l'imam Muslim, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Qala hum fi zulmah dun al-jisr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où la terre et les cieux seront changés, les gens seront dans un noir total au-dessus du pont, c'est-à-dire au-dessus de as-sirat. Donc il y aura une obscurité après la balance et juste avant le pont. Ensuite, les gens vont avancer sur As-Sirat. As-Sirat a été décrit dans le cours de Sadr. Donc je ne vais pas tout répéter, mais c'est un moment très périlleux et très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans Surat Maryam, nous dit « وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا » Toute personne devra y passer, et les savants ont divergé. Est-ce qu'on parle du feu de l'enfer ou est-ce qu'on parle de As-Sirat? Et quel est le sens? Est-ce que c'est Ad-Dukhul ou bien Ihdar? Certains ont dit Al-Wurud ici, bima'ana al-Hudur. On va amener l'enfer sur la place du jugement dernier. 70 000 anges amèneront l'enfer à la place du jugement dernier. Il y aura combien? Il y aura 70 000 chaînes. Pour une seule chaîne, il y aura 70 000 anges qui vont tirer l'enfer et l'emmener à la place du jugement dernier. Donc certains savants ont dit que tout le monde se rapproche de l'enfer. D'autres ont dit non, le sens ici, c'est de passer sur As-Sirat. De passer sur As-Sirat. Mais c'était l'avis d'Ibn Sa'ud, de Qatada et d'autres. Ibn Abbas lui voyait que c'était le sens de rentrer dans le feu. Si ce n'est que pour les croyants, il sera prêcheur salutaire. Qui est-ce qui passera? Qui est-ce qui traversera le pont? Toute personne ayant montré l'islam. Toute personne ayant montré l'islam passera ou sera avancée sur le pont. Certaines personnes tomberont, certaines personnes traverseront, et certaines, yani, saines et sauves, et d'autres personnes traverseront, mais seront touchées par les pinces et les crochets se trouvant sur le côté du sirat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à passer. Il se mettra sur le côté et il fera dua. Il fera dua Allahumma sallim sallim. À chaque fois que les musulmans passeront, les gens passeront, il dira oh Allah sauve-le, oh Allah sauve-le. Et les gens passeront de deux façons, concernant la vitesse et la façon. Plus ils sont pieux, mieux cela se passera pour eux. Donc certains passeront à la vitesse d'un clin d'œil, de l'éclair, d'un cheval très rapide, au pas de course, et ainsi de suite. Et ils se diviseront en trois, donc ceux qui passeront sains et saufs, ceux qui passeront ne seront blessés et ceux qui tomberont dans le feu de l'enfer. Donc ceux qui traverseront ou ceux qui seront amenés au sirat, les croyants et les hypocrites. Par contre, les mécréants, eux, tomberont immédiatement dans le feu de l'enfer, la tête, la première. Puis, ceux qui réussiront à traverser As-Sirat seront parmi les gens du paradis Qat'an. Celui qui va dépasser As-Sirat et réussir cela fera partie des gens du paradis. Ja'ana Allahu wa iyyakum min ahli al-jannah. Mais avant cela, il y aura un pont qu'on appelle Al-Qantara. Certains ont dit c'est la suite du Sirat. D'autres disent non, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est juste avant le paradis. Et on va arrêter les croyants afin qu'ils règlent ce qu'ils ont entre eux, pour purifier leur cœur de toute haine et de toute envie de vengeance. Cela, car des fois, il y a le qaza, on t'a donné ton droit, mais il reste quelque chose dans ton cœur contre la personne. Mais le paradis, c'est Darou Tayyibin. C'est la maison, c'est la demeure des gens saints. Et il faut que, pour y entrer, il faut que le cœur le soit également. Et pour finir, je vais vous lire un hadith qui nous parle de la dernière personne à être sauvée du sirat et à entrer fil jannah. La dernière personne à être sauvée du sirat, à avoir réussi donc à traverser le sirat et à entrer fil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme Abdullah ibn Saoud nous rapporte, Yajma'u Allahu al-awwalina wa al-akhirina li miqati yawmin ma'lum. Qiyaman 40 sana. Allah va réunir l'ensemble des gens. Donc yawm al-qiyama, ils resteront debout 40 ans. Wa yanzilu Allahu 'azza wa jalla fi dhulalin min al-ghamam min al-'arsh ila al-kursi thumma yunadi munadin. أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا أن يتولوا في هذه الدنيا يعبدوا في هذه الدنيا فيأمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يتبعوا ما كانوا يعبدون في هذه الدنيا. الله عز وجل va ordonner à chacun de suivre ce qu'il a adoré dans ce bas monde. Ceux qui ont adoré le soleil le suivront. Ceux qui ont adoré la lune également. Ceux qui ont adoré les statues également, et ainsi de suite. Il ne restera que les croyants et les hypocrites. On va écourter le hadith. Ensuite, les gens vont passer sur le pont et on va accorder à chacun une lumière. Il y aura une obscurité, puis Allah donnera à chacun une lumière proportionnellement aux actions qu'il faisait dans ce bas monde. Certains seront illuminés. D'autres auront une petite lumière. Et le dernier d'entre eux, le plus faible d'entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit طيب ومن يعطى اصغر من ذلك حتى يكون اخره رجلا يعطى نوره على ابهام قدمه. Le dernier aura une lumière équivalente à l'orteil du pied, à un orteil du pied, le pouce. C'est la seule lumière qu'il aura. Et avec cela, elle s'allumera par moment et s'éteignera par moment. Quand elle sera allumée, il pourra avancer. Et quand elle sera éteinte, il tombera. Il va se traîner. Il n'arrivera même pas à marcher. Il va ramper et va se traîner. Et il sera happé et sera griffé par Al-Kalal, par les crochets sur le côté du Sirat. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de traverser As-Sirat. Lorsqu'il aura été sauvé de cette épreuve, il dira Alhamdulillah. Il se tournera vers l'enfer et As-Sirat. Il dira Alhamdulillah alladhi najjani minka. وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. Il dira, loué soit celui qui m'a sauvé de toi et m'a donné ce qu'il n'avait jamais donné à ses créatures. C'est le dernier des musulmans. Et il pense que c'est le premier et celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la meilleure chose. Ensuite, on va le mettre dans une eau revivifiante. Puis, on va lui montrer un arbre où il y aura une source d'eau. Et il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, il demandera à Allah de le sauver de l'enfer et d'éloigner la chaleur qui lui provient de l'enfer. Allah lui accordera cela. Puis, il verra un arbre avec de l'eau. Il demandera à Allah Azza wa Jal de lui permettre d'aller à l'ombre de cet arbre et de boire de son eau. Allah Azza wa Jal lui fera promettre de ne plus jamais rien demander par la suite. Il fera des promesses. Puis Allah Azza wa Jal lui accordera cela. Par la suite, on va lui montrer un deuxième arbre encore meilleur que celui-ci. Il va manquer à sa promesse et demander à Allah Azza wa Jal. Et ça va se réitérer trois fois. Ensuite, il va apercevoir les gens du paradis au paradis. La porte sera entrouverte et il va voir à l'intérieur du paradis. Puis, il va demander à Allah de le rapprocher de soi et promettra de ne plus jamais rien demander. Puis il regardera cette porte, puis il regardera le paradis et il aura honte. Il aura honte. Puis il va demander une dernière chose à Allah Azza wa Jal. C'est de le faire entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder cela et va lui dire « Demande tout ce que tu veux. » Le serviteur va demander. Puis, il s'arrêtera. Allah va lui faire rappeler des choses. Demande aussi telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Il va demander. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Alam tarda » أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعاف. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui dit, serais-tu satisfait si je t'accorde ce bas monde depuis le jour où je l'ai créé jusqu'au jour où je l'ai repris et 10 fois son équivalent. Alors le serviteur dira, et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri. On lui a demandé pourquoi est-ce que tu ris. Il a dit je ris du rire d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque son serviteur va lui dire ça. Et il va lui dire Atastahzi'u minni ya Rabb wa anta Rabbul alamin. Ya Allah, tu es le Seigneur des mondes et tu te moques de moi. Alors Allah Azza wa Jalla lui dira je ne me moque pas de toi. Walakinni 'ala ma asha'u qadir. Mais lorsque je veux une chose, je suis parfaitement capable. Alors on va lui dire tu as tout cela, on va lui permettre de rentrer au paradis. فَيَنْطَلِقُوا يَرْمَلُوا فِي الْجَنَّةِ. Alors il va se diriger vers le paradis en courant ou en accélérant le pas. Et il va rentrer dans le paradis. Lorsqu'il rentrera au paradis, رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرْوَةِ. Il va voir devant lui un grand palais. فَيَخِرُّ سَاجِدًا. Il va tomber prosterné. Et on va lui dire, lève ta tête. On va lui dire, lève ta tête. Ou dans une autre version, il va vouloir se prosterner. Et là, on va lui dire, relève ta tête. On va lui dire, pourquoi est-ce que tu fais cela? Il va dire, Ra'aytu malakan, j'ai vu un ange. On va lui dire, lui, un ange. Non, ça n'est qu'un homme à ton service. Ou ça n'est qu'une personne à ton service au paradis. Ça n'est qu'une personne à ton service au paradis. Dans une autre version, Ra'aytu Rabbi, il va dire, j'ai vu mon Seigneur. Une chose tellement magnifique qu'il va penser avoir vu Allah Azza wa Jal. Et on va lui dire non. On va lui dire non. Ça n'est que ta demeure. Ça n'est que ton palais au paradis. Ensuite, il y a un homme qui va venir. Et il va encore vouloir se prosterner. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Retiens-toi. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Il va dire, Ra'aytu. J'ai pensé que tu étais un ange parmi les anges. فَيَقُولْ إِنَّمَا أَنَا خَازِلٌ مِنْ خُزَّانِكَ وَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ. Il va penser que c'est un ange. On lui dira non, je ne suis qu'un serviteur à ton service. Ensuite, on va lui ouvrir son palais et il va rentrer dans ce palais. Puis, on va lui faire montrer une autre demeure et il va espérer avoir cette demeure. Allah va lui accorder. Ensuite, il va avoir une autre demeure et il va penser que c'est un rêve, c'est de l'illusion. Il va demander et on va lui accorder. et il ne cessera de demander jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il va arrêter de demander. Allah va lui dire, pourquoi est-ce que tu as arrêté de demander? Il va dire, j'ai eu honte, j'ai trop demandé. Alors Allah Azza wa Jal va lui accorder tout ce qu'il a souhaité. Omar bin Khattab, lorsqu'il a entendu ce hadith de Ka'b, il a dit à Ka'b, ou bien Ubay ibn Ka'b, n'entends-tu pas, n'as-tu pas vu ce que raconte Ibn Ummi Abd? Ibn Ummi Abd, c'est le surnom de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit que c'est la dernière personne qui entrera au paradis. Qu'en est-il alors des meilleurs du paradis? Alors Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, ou bien Ka'b, na'am, Ka'b, a dit, la demeure des meilleurs habitants du paradis, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Les meilleurs du paradis, eux, auront ce que personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais entendu. Et n'a pu même imaginer. Puis il a récité le verset. Puis il a dit, et certains savants ont dit que la suite est mawqoufa, c'est-à-dire c'est la parole de Ka'b et non pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la part qu'Allah a planté du paradis, qu'Allah a planté de sa propre main. Lorsqu'il a fini, il l'a fermé. Et jamais personne ne l'a vu, ni même un ange. Et c'est la place des meilleures personnes qui entreront au paradis. Il y a donc une partie du paradis qui a été vue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par certains anges. Mais cette partie-là, personne ne l'a jamais vue en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la partie qu'Allah Azza wa Jal a fait lui-même. Tabaraka wa ta'ala, wa lillahi l'asma'ul husna, wa lahul mathalul a'la. Et on s'arrête sur cela. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يسر لنا العمل بما يحبه ويرضى. Et avant de conclure, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que cette assise ait été bénie pour moi et pour vous-même, et qu'il nous facilite l'apprentissage de notre religion et la mise en pratique de ce que nous avons appris, et qu'il nous augmente notre science afin de mieux le connaître et de mieux l'adorer. Et je remercie également, après Allah subhanahu wa ta'ala, et j'invoque Allah pour eux, toutes les personnes qui ont veillé au bon déroulement du séminaire. Pendant que vous êtes assis ici, à profiter de cela, sachez qu'il y avait des frères qui étaient dehors, toute la journée, à veiller à ce que les gens ne se garent pas de maza devant la mosquée pour ne pas gêner le voisinage. Il y a des femmes qui ont fait à manger et qui ont ramené des plats. Il y a des frères qui ont fait des sadaqat. Fanas'Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lahumul jannah. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala al-firdawsa minal jannah. Wa salillahumma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah alladhi bi tatimmu salihat. Et on remercie notre invité, le frère Saad, qui était le khatib de la mosquée de Juni. On a Allah subhanahu wa ta'ala mubaraka fih, wa yarfa'a darajati fil jannah, wa yarzuqana wa lahu al-ikhlas, walhamdulillah.